Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette 123e émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de l'animation, de la mise en onde et du choix musical avec la collaboration cette semaine de Denis Marchand, Noël Douville et Robert Blanchette qui ont eu l'obligeance de me donner des très bons conseils et des commentaires sur l'émission de la semaine passée. Aujourd'hui, à l'émission, nous avons Santi Pico d'Espagne, qui constitue une suggestion de Denis Guillem. Nous aurons Ostalov d'Allemagne, Synesthesia d'Angleterre, Vespero de Russie, Anecdoten de Suède, Herba d'Amélie, qui est une suggestion de Lucien-Yves Bolduc de Québec, et Herba d'Amélie est une formation de l'Espagne. Nous aurons Paladin d'Angleterre, Steve Hogarth et Richard Barbieri d'Angleterre, Gran Turismo Veloce d'Italie, Darrell Way d'Angleterre, Riff Raff des États-Unis. Et en fin d'émission, nous aurons la position 2 du palmarès Rock de Neurone des 50 meilleurs albums de rock progressif de tous les temps. Et c'est Lee Ormé qui tient cette position grâce à l'album Felona and Sorona. Alors, on débute avec une suggestion de Denis Guillem, Santi Pico d'Espagne. C'est un guitariste andalou qui, selon ce que j'ai pu répertorier sur Internet, a 4 albums studio à son actif. Et on va entendre une pièce extraite de l'album La Lave de Plata. Ça s'est paru en 1979. Et ça sera suivi de Ostalov, une formation allemande qui est assez récente avec 2 albums à son actif, dont le tout dernier qui s'intitule The Isle of Dogs. Et on va entendre un extrait de cet album-là. Et on va conclure le bloc avec une formation britannique du nom de Synesthesia qui a un seul album à son actif, un album éponyme paru en 2014. Alors on débute ça avec Santi Pico. Thank you.

c'est le 89.9. Alors, vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones sur les ondes de CIFU FM 89.1 à Trois-Rivières et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley. Et on débute le deuxième bloc avec une formation russe du nom de Vespero qui vient de faire paraître il y a quelques semaines, en fait, il y a deux semaines, leur septième album studio qui s'intitule Ras Dashen et on va entendre Like Mekwaz. Et ça va être suivi par la formation suédoise Anecdoten qui... ont fait paraître l'an dernier leur sixième album studio. L'album s'intitule « Our Days Are Numbered » et on va entendre, excusez-moi, l'album s'intitule « Until All the Ghosts Are Gone » et la pièce qu'on va entendre, c'est « Our Days Are Numbered ». Et on va conclure le deuxième bloc avec « L'herba d'Amélie d'Espagne » qui est une suggestion de Lucien Yves Bolduc de Québec et on va entendre la pièce « Ecstasy Terrenal » et c'est tiré de l'album « Interiors ». C'est le sixième aussi album du groupe qui est paru l'an dernier. Alors, on débute ça avec Vespero. Thank you. sur les ondes de C'est fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone, une émission consacrée au rock progressif, et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley. On débute le troisième bloc avec une formation britannique, Paladin. Paladin qu'on a connu en 71 et 72 avec deux albums, et ça fut une interruption pour 30 ans. Et en 2002, Paladin a fait paraître un troisième album qui s'intitule Jazz Attack. Et on aura une pièce extraite de cet album-là. Et fait à noter aussi, c'est que Roger Dean, le fameux illustrateur des pochettes de rock progressif, a contribué, en fait, a fait les pochettes de Paladin. Alors, on va enchaîner ensuite avec deux membres de la formation Marillion, Steve Hogarth et Richard Barbieri. Et on va entendre un extrait de Not the Weapon, but the Hand. C'est paru en 2012. On va enchaîner avec une formation italienne assez récente qui a un seul album paru en 2011. La formation italienne s'appelle Gran Turismo Veloce et l'album Di Carne di Anima. Et on va conclure avec Darrell Way, qui est connu comme étant le violoniste de la formation Curved Air. On lui connaît 6 albums studio, dont Myths, Legends and Tales, qui est paru il y a une semaine ou deux. Alors, on va entendre une pièce extraite de ce nouvel album-là. Alors, on débute ça avec Paladin. This is the one who will stay. I'm a cat with seven souls. Thank you. Alors, vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley. Nous sommes donc rendus au dernier bloc de l'émission qui est habituellement consacré au palmarès Rock de Neurone des 50 meilleurs albums de rock progressif de tous les temps. Et aujourd'hui, nous avons en position 2 le quatrième album studio de la formation Les Ormés d'Italie. C'est une formation qui compte 20 albums de rock progressif studio. Et la consécration, c'est probablement, en tout cas en ce qui me concerne, c'est le quatrième en 1973. C'est un album concept de Felona and Sorona. Alors, on va entendre 5 pièces extraites de cet album-là. Et auparavant, j'aimerais vous faire découvrir un groupe des années 70 américain qui s'appelle Riff Raff, qui a été. Qui a passé sous silence parce que dans les années 70, il y avait pas mal de groupes majeurs. Mais le fait d'arme de Riff Raff, c'est qu'il avait été, pris en tutelle ou en charge par Keith Richards des Rolling Stones. Ils ont fait quelques premières parties de leur spectacle. Alors, on va entendre une pièce qui est tirée de l'album Original Men qui est paru en 1974. Et c'est la pièce titre. Et suite à ça, on entendra Les Ormés. Alors, voici Riff Raff. Yeah. wasted. You know we gotta rip down, you know we gotta rip down, you know we gotta rip down. Those metal cages. Chiara si affaccia lentamente, offre la visione di grandi bolle bianche, la gente che le abita vive un nuovo giorno, una nuova festa, oggi come ieri. Non ci son segreti nelle sfere trasparenti, si specchiano nell'aria, si contagiano la gioia, limpidi e sereni volano i pensieri, le donne, le cicale discorrono d'amore. Le case di cristallo si muovono col vento, scorrono le valli, rimbalzano sul mare, ruotano leggere nel sorvolare i monti, lasciano una scia come una cometa. Quando cala il sole, il vento si riposa, si fermano le sfere, formano un villaggio, la gente si ritrova e si corre incontro per un'altra festa mentre muore il giorno. La serenità. fa dimenticare chi c'è all'origine, da chi proviene. La solitudine è un'ombra che si rivela a chi si sente inutile, e anche chi protegge il mondo ne sente il peso se nessuno si rivolge a lui. Thank you. s'accende, l'amore vivo nei loro sguardi, ora li unisce nel nuovo domani. Il sole asciuga la nebbia impaurita, le prime foglie salutano il vento, un uomo torna dalla sua donna, una ragazza va incontro al suo sogno. Thank you. C'était Les Ormes avec Felona and Sorona. Cinq extraits de l'album qui est paru en 1973 et je rappelle que Felona and Sorona occupe le deuxième rang de 50 meilleurs albums de rock progressif de tous les temps selon votre humble serviteur.